Denis Pouvoir, Dodo Kamalandwa, Papi Seben, acteur à film, Adolphe Kabongo la sagesse. Ministère Moko, la souffrance à Bolingo, Télé qui n'en a mini papé ça, non, Foucault, à tababa qui si, 30 minutes à Polomation, y'a pas François Tchipouki, Voice of Congo. Mon nom est Fanny de Fuma, Hot Gang, Rockstar, Doll Star, Dani le Kiki. Patikangai, na bebe tanga na maboko, na mwaye pipi, na koboko la yi. Kinduma na ye kolate, na kota mombongo, na kote kamaka, pona kulisa bebe na biso. Baki anyoso, baki mangaye, Raisa Longangu. Pomakala na ngaye, kangaka motote, biso liya kole la kayo e polisa kayango. Tala fasho komisi nae Bobe Mundabi Manise Chimpuki Papa Bonita Alondon Metro Kusha Electro Na malade na nga uchi angreshi Clarissa Mba Una kufa na nga mbango mbango Tista mananga mbola na koko manini Fezi kalivye sheo Yannick Lamwanga Koma nwa tadia ma Na mabele na chimbola na mimi Na beta mchanga, simo kurona koswa yombo Manikse, chibuki Garçon Paris, Yifirone Shungora FBI Claudine Lito Kalandriye montre, bobele na surprise Iye mabeto, malamu na suye bate Oyonga na somo, nanadoto, baserke yebele Sinoni maliwana nga Olivier Ngelika Sinoni maliwana nga yo Ari Luboya Calandrier montre, bon belinda surprise. Mirel Ozo. Yama veto, malamuna soye bate. Oyongana somo, nanadoto, baserke yevile. Sinoni maluana mai. Amanda Fifimpoi, tayo lefik. Yama masaki, fulu fulu ya masanga. Soke zola tia, savo, bamela kateo. Tala suse, kondo ye, misa yawe. Mwamese, mwamese, kono tina nga, naliwana. Anderson Ayol. J.C. Mungu, J.P. Media Big Manager, à London, double Toto Tochibula. Patrick Olungu Supreme, Tete Matoval. Le bâtonnier Coco, Caillou Dimitri qui m'a fouta, et le Kibila n'a peine à faire. Jonathan Bachoko retrouve les finances à bas stressé. N'a commis la servoya qui l'a vu. Pas à caramo de l'un d'un pas bolingo théo. N'a pas dit décor esthétique. N'a dit c'est l'homme de l'élysée. Mani Montana Kabumba il est qu'aimé de Paris. Fils Bokato la espoir. Potier et Billy Soma l'amour. Soy baby monoko malamour. Apenas vamos no vamos a leer los nazis. No quiero ser sexy boy. No pasa que yo sé ser yo cosa na yo de reque. Ojo mi mamá ni se chifu ki kashmani. Amina Mokonzi, Richie Kangi, Gypsy Okenge, Laetitia Okenge, Elo de Omi. Diwa, diwa, diwa na nae. Koto nganda kweta jeta la gata ya masote. Nafsansa chifu ki goma liwe kokre fase nae. Batumba la Kashoki, Patrick Mumbata. Susi Dudu Manolo Tso, Pasco Mabia la Verado, Prestes Amunda. Nasiango Nalisa Sibeli Teto Poisonte, Esa Basusia Manisi Buke Barenai. Joël Eyoki, Jolas, Kelly Katenda Mapata, au clave à la source. Avec les bonnes humanistes, si la Jova. Si la Jova. Avec la Jova. bichu masoko alelu simao Olikola chirigola ya dada wabana Iboni kwa manista si machoba Kuli machikukina si machoba Ameka mafose manista si makushe Senateur Amede Itombo Leni Tuloma Gogi Mwengo Serge Mabele Jolo Kombo Salamondo Kosta Kouler Yababa Masurele Otete Chibabe Talakana Hai Kotonganda Kweka Jetalakata Yama Sante Nafsansa Chibuki Talanini Koto Esili Hai Silia Egrejo Magi Ashiko Mabele Mame Joël Lokombe Mama Nakimiae Benu Kouloma Ma jolie a bienvenu Kamba Héritier des beaux quartiers Gisèle Boulou Thierry Mafuta Bienvenue Kindenge Wabanko Falco Les pompiers